Jean-Louis était notre invité jusqu'à midi et demi. Et voici l'humeur de Guillaume Auguste. C'est maintenant, on dit. Bonjour les amis. Bonjour. Alors on est jeudi. Eh oui. Aujourd'hui, comme vos assistants respectifs voulons sûrement préciser en préparant cette émission. Enregistré. C'est ça le problème quand on a des vies aussi centrées que les vôtres sur la culture de la coca, évidemment. On ne sait plus si on est mardi ou jeudi, si c'est le soir, si c'est le matin, si on est sur Inter ou sur Europe 1. Non, tout le monde croit que c'est facile d'être Nagui, mais en fait, pas du tout. En fait, on est bel et bien jeudi, mais pas n'importe quel jeudi, les amis, puisqu'on célèbre aujourd'hui à grands coups d'absentéisme au boulot l'ascension. Mais oui. À savoir la montée de Jésus au royaume des cieux, 43 jours après son problème de crucifixion. Problème. Chance pour lui que c'était le fils de Dieu et que ça a fini par s'arranger. Mais enfin, sur le moment même, les témoins sont formels, c'était quand même limite relou. Toujours est-il que cette fameuse ascension dans l'au-delà pose une question qui me taraude depuis toujours, et en tout cas depuis que j'ai l'intention de la poser dans ce billet rémunéré. Quand tu es une âme, est-ce que tu as accès au film du Festival de Cannes? Alors, et comme je sens que je vous ai perdu parce que j'ai oublié de parler de femmes et de bagnoles pendant 11 secondes, je précise, imagine tu es dans l'au-delà. Comme Jesus, à quoi ça donne droit concrètement d'être une âme? Et ça pose plein de questions. Si t'es à Cannes en tant qu'âme, par exemple, est-ce que t'as droit à voir toutes les compétitions ou juste genre la semaine de la critique, par exemple? Ou est-ce que tu peux voir plusieurs films en même temps ou t'es obligé de te faire un programme comme les gens de Télérama? Est-ce que quand t'es une âme, est-ce que t'as genre vraiment besoin des sous-titres pour les films coréens? Vraie question. Alors ça paraît trivial comme ça, mais en fait, on peut imaginer qu'au royaume des cieux, on aime aussi le grand cinéma. Il y a pas de raison que ça s'arrête tout de suite après la mort. J'imagine que Stanley Kubrick, quand il est arrivé au ciel, il s'est pas dit moi le cinéma finalement. Moi, ce que j'aime bien, c'est un bon match de foot. Non, ça m'étonnerait quand même. Ce qui poserait d'ailleurs la question de savoir si on peut regarder des matchs de foot dans l'au-delà. Et si oui, est-ce qu'on regarde la Ligue 1 comme tout le monde ou est-ce que Dieu a réussi à avoir les droits de la Première Ligue? Vraie question. Alors évidemment, vous pourriez me dire, oui, n'oublie jamais que des chroniqueurs, on secoue un arbre, il y en a mille qui tombent, et que si tu continues à utiliser l'argent public pour te poser des questions à la mort moelle gag, faut pas s'étonner que le fascisme soit à nos portes et que toi tu prennes celle de France Inter. Je sais, mais enfin, n'ayant eu aucune éducation religieuse et partant du postulat qu'il existe un au-delà, ce que humblement je ne peux absolument pas exclure tant que personne n'en sera revenu pour dire en fait non, c'est bon, il y a rien. C'est on ferait qu'avait raison. Si revient, c'est qu'il y avait quelque chose. C'est on ferait qu'avait raison. Non, mais j'ai toujours voulu savoir à quoi ressemble concrètement la journée d'une âme. Prenons que tu sois Daniel Morin. Prenons que tu sois Nagui. Ben, bon, c'est limite, mais c'est passé. Ouais. T'arrives dans l'au-delà. Est-ce que t'as le droit d'animer un jeu? Vraie question. Si oui, est-ce que les âmes de gens morts entre moins 3 millions et 1952 ne partent pas avec une trop gros désavantage pour être compétitifs dans N'oubliez pas les paroles? Vraie question. Ça m'étonnerait que Vercingétorix et l'archiduc d'Autriche-Hongrie connaissent les lacs du Connemara sous le bout des doigts. Mais je suis ouvert au démenti, naturellement. Ce qui nous amène à notre question de départ. Est-ce que les âmes sont connectées à la vie terrestre ou uniquement à la vie céleste? Est-ce qu'elles sont seules ou est-ce qu'elles sont en interaction les unes avec les autres? Et finalement, last but not least, est-ce qu'il y a du Wi-Fi dans l'au-delà? Vraie question. Alors c'est vrai, concrètement, est-ce que les pays y sont reconstitués à l'identique comme ici? Par exemple, est-ce qu'il y a un Pérou de l'au-delà? Et s'il y a une France de l'au-delà, qui en est le président? Pompidou, Mitterrand ou Chirac finalement? Parce que moi, philosophiquement, je vous le dis, je suis OK avec l'idée de l'ascension de Jésus au ciel, mais je me demande vraiment comment ça se passe concrètement pour lui là-bas, vu que ça n'a pas été facile pour lui. J'espère au moins qu'il a du réseau. Allez, bonne ascension, les amis. Merci, Guillaume. Bravo. La bande originale.